la terre, quelles qu'en soient les conséquences. Et comment faire marche arrière quand le compte à rebours commence. Et l'on a perdu le contrôle, jouant aux apprentis sorciers, allant même pour un peu de pétrole loin là-bas s'entretuer. Et je me perds, comment entrer en vie. Chaque jour je me perds, nos faux pas de mille excuses pathétiques, se justifiant de nos sombres choix afin que notre conscience abdique. Et certains élèvent la voix afin de se donner bonne conscience, mais la plupart comme moi honteusement feignent l'ignorance. Et je me perds, comment entrer en dit. Chaque jour je me perds, se dire que l'on ne peut rien y faire, que ce triste avenir ne sera plus notre affaire, que mieux vaut assouvir nos besoins éphémères et laisser pourrir un peu plus notre terre. Et je ne peux qu'applaudir ceux qui toujours persévèrent, qui tentent de ralentir un peu ce constat amer. Quand je ne pense plus au pire regard masqué de hier, quand je reste en arrière. Et je me perds, comment entrer en dit. Chaque jour je me perds, enfin de plus vite dans la jour je me perds. Je me perds entre remords.